Mes chers enfants, je vais vous narrer une anecdote tirée de mes pérégrinations internationales. Moi, je vous parle d'une époque où Pétain n'était que capitaine, où Jean Noël s'appelait Jaboun. Oui, c'est pas... C'était au théâtre de Verdure, de Vertaison. Nous avions été pour le grand gala annuel organisé au profit des organisateurs de gala. Et la première partie du spectacle était composée, comme ça se fait souvent dans les campagnes, était composée par des amateurs, qui étaient venus d'ailleurs directement d'Angoulême. Et la première partie du spectacle, je me souviens, il y avait des bons éléments, et en finale, il y avait la chorale des vieilles filles de la paroisse, les joyeux pince-nez du dimanche. C'était très bien, il y avait Mademoiselle Procule qui chantait en solo, c'était ravissant. Et je me souviens, ils avaient leur finale dans cette chorale, Mademoiselle Lelombec chantait, elle chantait « Ah, oh, je voudrais être un petit oiseau. Ah, si j'étais un petit oiseau, je ferais kiki. Je... » Enfin, tout ce qu'un oiseau peut faire. Je... Et derrière, il y avait les chœurs, toutes les vieilles filles qui chantaient le soir. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. L'ensemble était un délice pour Louis. Il y avait bien trois quarts d'heure que Mademoiselle Lelombec mettait toute son âme dans « Ah, je voudrais être un petit oiseau !» Bon, bravo, on applaudit, elle s'en va. On croyait que c'était fini. Elle revient. Et maintenant, je vais vous chanter. Ah, si j'étais un petit lapin. Il y a un énergumène se croyant intelligent. Ce devait être un jeune conscrit qui voulait essayer de faire sourire ses camarades de promotion, qui se permet de lui crier au milieu de la salle « Et moi, je voudrais être un fusil !» L'offuscation générale fut indescriptible. Par contenance, Mademoiselle Lelombec s'est évanouie. On l'a ramenée dans les coulisses, on l'a ranimée comme on a pu. Je me souviens, cette andouille de concierge qui était venue avec une salière. On lui avait demandé des selles. Et heureusement qu'il y avait la fanfare. Nous avons enchaîné avec la fanfare en attendant la deuxième partie du spectacle qui était composée par des professionnels, dont moi, Balandard. Je faisais évidemment partie. À cette époque-là. Et je passais derrière Gigot. Vous savez, le pétomane. Ah, quel artiste! Ah, le pétomane Gigot. Chaque fois qu'il passait sur scène, il faisait un boom, vraiment. Un artiste de très grande classe. C'était un monsieur, d'ailleurs, qui était reçu dans les meilleurs salons parisiens. Et chaque fois qu'il arrivait quelque part, moi... Ah, oui! Ah, si! La maîtresse de maison était au sang courant. Oh, mes chers amis, nous avons la chance d'avoir parmi nous ce soir le maître Gigot. Écoutez, cher pétomane, voulez-vous nous donner un petit aperçu de vos talents? Oh, ben non, ça je ne veux pas, disait-il en remettant son monocle. Oh non, ça je ne veux pas, je ne suis pas en situation. Mais si, mais non, vous dis-je. Oh, mais si, cher maître, ça fera plaisir à monsieur Proust. Hein? Non, si, non. Non, ben tant pis. Bon, ben je veux bien. Et chaque fois, il faisait un gros succès, et ce soir-là, à Vertaison, il avait virtuellement cassé la baraque. Vous allez peut-être croire que je suis grotesque, mais je vous assure que c'est authentique. Ma chanson d'entrée était derrière Gigot. Ah, laissez-moi respirer, laissez-moi... Il y a le même énergumène qui avait gêné Mademoiselle Lelombec, qui se met à me crier à moi. T'as qu'à ouvrir la fenêtre! Vouloir mettre en boîte Mademoiselle Lelombec, peut-être. Mais pas moi. Balandard, une vieille bête de théâtre. Aussi fort que l'oiseau. Je lui ai répondu du tac au tac. Peut-être ai-je été inspiré par l'ombre de Racine. Toujours est-il que je lui ai répondu. Et ta sœur. Ce fut un véritable triomphe. Et lorsque le maire, après le banquet qui s'ensuivit, je le revois dans le foyer du théâtre, entouré de tous ses administrés, je le revois, dis-je, me tendant ma coupe de mousseux. Balandard, eh bien, on peut dire que vous avez eu la réplique. Bravo, Balandard. Et je suis content que ce soir, il y ait tous mes administrés pour leur montrer un exemple d'un monsieur qui ne s'est pas laissé abattre par l'adversité. Bravo, Balandard. Vous êtes français? Moi aussi, je suis français. Eh ben, je suis fier d'être français. Et je lève mon verre en criant « Vive la France !» Vive son drapeau bleu, blanc, rouge qui flotte dans le vent. Le bleu, couleur du ciel. Le blanc, couleur de la blancheur. Et le rouge, couleur... Que s'il était vert, ça serait la couleur de l'espérance.